I don't think so. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. I don't think we're going to need our microphones this morning. On va peut-être pas utiliser les micros ce matin. Oui, pas le mettre juste là. Okay. Welcome to those of you who are joining us online. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. If I understand correctly, there are a few people, so thank you for joining us. Wonderful. Il y a quelques personnes qui sont connectées, donc bienvenue à vous. If you look around you, you will see that the church has been decimated. Si vous regardez autour de vous, vous constatez que l'église est dévastée. Décimée, pardon. Yes, since last week we have had 4 COVID cases, and so everybody who was in contact with those people has to isolate. Depuis la semaine dernière, il y a eu 4 nouveaux cas de COVID, donc toutes les personnes qui ont été en contact avec ces personnes ont dû être isolées. And not only that, we have a few other cases of people who are sick, who are at home, and are contact cases from school or from work. Et en plus de ça, on a quelques personnes qui sont malades et qui sont chez eux à cause de leur fréquentation à l'école ou au travail. Yes, sorry. Non. Okay. But welcome to everybody. My name is Lance. For those of you who don't know, I see we have a visitor, and that's Patrick. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Donc, mon nom est Lance et je suis Patrick. And even though we are few this morning, I'm so grateful for every opportunity that we have to meet together. Et même si nous sommes très peu nombreux ce matin, je suis toujours reconnaissant de l'opportunité qu'on a de se rassembler. Whether we are in person, which is always much better, or if we're online, it's a privilege to meet together as a body of believers. Que nous soyons tous ensemble réunis physiquement ou en ligne, c'est toujours un privilège d'être réunis dans le corps du Christ. Every opportunity we meet together, God can speak to us and we can grow. À chaque fois que nous nous rassemblons, Dieu peut nous parler et nous grandissons. And every time we meet together, we have an opportunity to lift our focus to our Lord and Creator and give Him glory. Et à chaque fois qu'on se rassemble, nous avons l'opportunité de lever nos yeux au ciel et de rendre louange au Seigneur qui nous a créés. I'm just keeping a look at my phone in case anybody's having problems online, but it seems as if we're fine. Okay, great, thanks. Welcome, Eric. Thanks for joining us. Bonjour, Eric. And congratulations to you and Jordan on the birth of your baby. Et félicitations pour la naissance. Okay, let's pray, and then we'll sing some songs to God. Prions dans un premier temps, et puis nous chanterons. Lord, you are almighty. Seigneur, tu es tout puissant. You know everything and you are in control of everything. Tu connais tout et tu contrôles tout. Lord, we want to lift our eyes and our focus to you this morning. Seigneur, nous voulons lever nos yeux vers toi et nous concentrer sur toi. Lord, we need you. Seigneur, nous avons besoin de toi. Come and meet every single one of us here now this morning. Viens parmi nous et parle à chacun d'entre nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Just before we begin, our friend Kevin has made a little video for us all to remind us of the importance of wearing a mask. Juste avant ça, Kevin, notre ami Kevin, a fait une petite vidéo pour nous rappeler l'importance de porter un masque. Because unfortunately, most of us are COVID cases because a few people took their masks off last week and then the people they spoke to are considered contact cases. Parce que malheureusement, la semaine dernière, la plupart des cas qui ont été déclarés, c'est parce que ici, ils avaient enlevé leur masque. That's why we're not going to be having tea and coffee together today, because you're naughty children. C'est pour ça que tout à l'heure, on n'aura pas de café ni de thé, parce que vous avez été vilains. That's a joke. Okay. No. Okay, give me a second. Please, Jesus, help me. What? I don't know why this isn't working. I'm sorry. Okay, let's try again. Okay, let's try again. Nation, comment s'appelle ce superbe remède de virus très dangereux qui va tous nous tuer? Ça s'appelle Masque de papier. Le masque de papier? Oui. Mais le masque de papier de quoi? Le masque de papier qui va tous nous sauver la vie. Wow! Thank you, Kevin. Please remember to wear your mask. It's very, very important. S'il vous plaît, rappelez-vous qu'il faut vraiment porter le masque. Welcome, guys. Great to have you. We have some people that are alive. Yes. Wonderful to have you. Thanks for joining us. Please remember to keep your mask on after the service so that we're not considered contact cases if you are positive with COVID. But we love you if you're positive with COVID. Okay, we don't judge you. On vous aime quand même si vous êtes positif au COVID. Yes. Now we judge you a little bit, but we still love you. Okay. So can we stand and we'll sing together? Levez-vous, s'il vous plaît. On va commencer. Jeanne, son fils, est toujours dans un coma. And also, they have just received information that they will be allowed on the 25th of January to present their case to the government to be allowed to stay in France as refugees. Donc, il y aura une réunion le 25 janvier pour eux, pour se présenter leur situation, pour le demander d'asile. Donc, on voulait prier pour ça aussi. Il y a beaucoup de gens malades dans notre église. There are lots of people that are sick in our church, with COVID, without COVID. But let's pray that God will breathe his life again into these situations, breathe his life into your situation, whatever your situation is, that God will come and do something incredible. Let's take a moment and you pray and you speak to God and you ask him for these things, but also ask him to breathe life into your situation, whatever it is that you're trusting God for. What is it that you're having faith for? Donc on voulait prier que l'Esprit de Dieu vient et souffle dans nos vies, souffle complètement dans nos vies, dans tout, chacun de nos situations, pour les gens malades dans notre église, que les gens en connaissent. Mais on va juste passer quelques moments en prier. Thank you. Thank you. Come by your Holy Spirit. Viens par ton Saint-Esprit, Seigneur. Touche chacun, chaque personne dans cette salle. Touche chaque personne qui nous écoute sur Zoom. Lord, come by your Holy Spirit and touch every person in this room. Touch every person, every couple, every individual, every family. Come by your Spirit, Lord. Viens par ton Saint-Esprit, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we pray for those who are sick, those who are isolating, those who are at home. Lord, will you touch them now? Heal them by your mighty hand. Lord, we're trusting you for Alex's son, Alexi. Lord, do a miracle. We trust you for their situation with their asylum. Lord, open a door for them. Do something incredible, like only you can do. Lord, I pray for the team that's going to be teaching the teenagers and the children. Will you bless them and fill them with your life? And Lord, show them that what they're doing is evangelism. This is not just babysitting, this is evangelism. Thank you, Lord. Be with us this morning, in Jesus' name. Amen. Can you please take your seats? We're going to take off our masks so you can hear us better. On va enlever nos masques pour que vous puissiez mieux nous entendre. But we're going to keep a distance between us. Okay, so. On va garder un mètre de distance. And we're more than a meter away from you. But welcome again to all of you. Bienvenue à nouveau. Welcome to those of you who have joined us online since we started. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en ligne. I trust that you can hear us all. Okay, that's cool. Great. Tanya, would you mind just getting us some water, please? Okay. You know what? I'll do the announcements at the end. All right. So those of you who are going to care for the teens and the children, teach them, I invite you to go with them now. Thank you. You can go. En charge de l'évangélisation des enfants et des ados. And I think there'll be six of us left in the room. Ça fait plus que six. Ah oui. Jan and Lonnie, can you hear us fine at the back there if I don't use a microphone? Hey, is that cool? Sweet. Tu veux pas y aller? Non. Ok. Watch out, too close. Thanks, Tanya. I think that can hear us fine. Thank you. I'm just keeping my phone with me in case Kevin and Sheila need to call me. There's a problem and they can't hear us online. Okay, so thank you, Kevin and Sheila, for running everything online. We're continuing with our series that we started last week. On va continuer avec notre série qu'on a commencé la semaine dernière. About the gospel at work. À propos de l'évangile au travail. How the gospel works in us, but also how God wants us to share the gospel at work. Comment est-ce que l'évangile travaille en nous et comment est-ce que Dieu veut qu'on partage aussi l'évangile dans notre lieu professionnel? Last week, I started with a little survey on how many hours do you think is enough work for a week? La semaine dernière, j'ai lancé un petit sondage pour savoir combien d'heures vous pensez était nécessaire par semaine de travail. And I wouldn't be surprised if some of you thought that less than 35 hours, those people are lazy. La plupart d'entre vous ont pensé que 35 heures par semaine, c'était suffisant, et je pense que ces personnes sont... Yeah, no, we have the idea, I'm saying, many of us can think, oh my goodness, they work so little, they are so lazy. La plupart d'entre nous peuvent penser que 35 heures par semaine, c'est pas beaucoup, et qu'ils sont un peu feignants. Feignants, you didn't want to say it. Exactly. Je suis français, je suis pas feignant. Paresseux. Yes, Paris. Feignant, c'est... Ouais, c'est plus péjoratif. Ok, so the truth is, we need to accept that often you and I can be lazy. La vérité, c'est que vous et moi devons accepter que parfois on est paresseux. And my sermon today is going to be speaking about us being lazy. Et mon sermon aujourd'hui va traiter de ce sujet que nous sommes parfois paresseux. You can see in English the word that we use is idle. Le mot en anglais c'est oisiveté. Yes, very good. And this today is going to be a two-part sermon. So if you're listening today, you better come next week. Et donc il y aura deux parties. Donc si vous écoutez aujourd'hui, il faut venir aussi la semaine prochaine. Because I'm going to be speaking of the contrast between being lazy at work and then making work our idol and working too much. Je vais parler du paradoxe entre paresseux, être paresseux et aussi rendre notre travail comme une idole. Yes, yes. And so we'll need to understand these two in balance. We need to understand these two extremes so that we can find the balance. Il faut se rendre compte de ces deux extrêmes afin de trouver un juste milieu. Just Kevin and Sheila, you recording, eh? Is that cool for the people who, I'm assuming you're recording. Just make sure. My words need to be remembered for all eternity. Sorry, Lord. I won't say that again. Okay, thanks. Let's begin with a few basic ideas about what God believes about work. Commençons par quelques idées de base que Dieu pense du travail. Okay, my first point for today is that God believes that all work is noble. Mon premier point, c'est de dire que Dieu pense que chaque travail est noble. We're going to read Proverbs 27, verse 18. Whoever tends a fig tree will eat its fruit, and he who guards his master will be honored. Celui qui veille sur un figuier en mange le fruit. Celui qui garde son maître est honoré. The context of this passage is that this is speaking of someone who is a laborer, probably a slave. Le contexte de ce passage, c'est qu'il évoque un laboureur, probablement un esclave. The person who cares for someone else's tree. C'est quelqu'un qui s'occupe de l'arbre de quelqu'un d'autre. It's not the person who owns the orchard where all the trees are. It's the person who's working in the orchard for somebody else. Il ne s'agit pas du propriétaire du champ d'arbres, mais de celui qui s'occupe des arbres. And then it's also speaking of someone who guards somebody else, which is what this person's doing. You are protecting what belongs to somebody else. Ça évoque quelqu'un donc qui s'occupe de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Now what we would call this is a laborer. On appelle ça un laboureur. And unfortunately, we have a very low view of people who do manual labor. Et malheureusement, on a une vue relativement péjorative de ceux qui font un travail manuel. It's always been like that. Ça a toujours été comme ça. From the beginning of the world. Depuis le début de l'humanité. But for our God, it's different. Mais pour notre Dieu, c'est différent. This scripture says that the person who works like this will be honored. Ce passage dit que la personne qui travaille de cette façon sera honorée. But what we see even more about our God, ce qu'on voit en plus pour notre Dieu, is that, you know, when our God made us, quand Dieu nous a fabriqués, how did he make us? Comment est-ce qu'il nous a fabriqués? He made us from the dirt. À partir de poussière. Which means that when God made us, his hands were in the dirt like a laborer when he made us. Ce qui signifie que quand il nous a fabriqués, il avait les mains réellement dans la poussière. God is not ashamed of manual labor. Dieu n'a pas honte de faire un travail manuel. In actual fact, he created his greatest being by doing manual labor. Il a créé sa plus belle invention en utilisant un travail manuel. Us, he created us, if you didn't get it. We are his greatest treasure and he did it through manual labor. Il nous a créé nous, si vous n'avez pas compris, c'est nous notre son plus grand trésor. And I don't think you understand how revolutionary this is in our world and even in the ancient world. Et je pense que vous pouvez imaginer à quel point c'est révolutionnaire dans notre monde, mais aussi à l'époque. Have you heard the story of Pandora's box? Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire de la boîte de Pandore? I knew a girl at school named Pandora once. The story goes like this in ancient Greece. Dans le monde grec ancien, cette histoire raconte ça. That there were all of these wonderful, the world was a wonderful place with no problems. Le monde était un endroit merveilleux sans problème. But there was this box. Mais il y avait cette boîte. Full of mysteries. Plein de mystères. And this person Pandora was too overwhelmed by her desire to know what was in the box. Et cette personne qui s'appelait Pandore était obsédée par ce désir de connaître ce qu'il y avait dans cette boîte. And so she opened it. Donc elle l'a ouvert. And you know what came into the world? Vous savez ce qui est advenu au monde? War. La guerre, famine, la famine, disease, les maladies, fighting between humans, les combats entre humains, and work, et le travail. For the ancient Greeks, work was something as terrible as war and disease and famine. Pour les Grecs anciens, le travail c'était aussi terrible que la guerre, la famine. But our God says no, no. Mais notre Dieu dit non. Work is good and work is noble. Le travail, c'est bon et c'est noble. There's an old Mesopotamian creation myth. Il y a un mythe mésopotamien. Where their great god, his name is Marduk. Avec leur grand dieu qui s'appelle Marduk. Creates the world. Il a créé le monde. And he quickly realizes that to keep the world running, he has to work. Et il a réalisé que pour que la situation continue, il fallait travailler. And so what he does is he says, that's not for me. I will create humans to work because we gods we don't work. Et donc ce que Marduk a fait, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il crée les humains pour le travail à sa place. The terrible things that have to be done must be done by the humans. Les choses terribles doivent être effectuées par les humains. It is only the Christian God who believes that work is good. Il y a que le Dieu des chrétiens qui pense que le travail c'est bien. And not only does he believe it's good, he actually works. He doesn't just believe that it's good, he works himself. D'accord. Non seulement il pense que c'est le travail bon, mais lui-même il travaille. All work is noble. Tout travail est noble. All work is spiritual. Tout travail est spirituel. God has designed us to work. Dieu nous a créés afin de travailler. And it's very important that we understand that work is not just what we do to make money. Il faut bien comprendre que le travail c'est pas seulement l'activité qu'on fait pour gagner de l'argent. Over the next few weeks we're going to advance this topic a bit. Au cours des prochaines semaines, nous étudierons un peu plus en profondeur ce sujet. But work is the person who works in the fields. Mais le travailleur, c'est celui qui travaille dans les champs. Work is the person who runs on a field. C'est la personne qui peut courir sur un terrain. It's work, it's not just a sport. C'est un travail, c'est pas seulement un sport. Work is someone who works at a bank. C'est quelqu'un qui travaille à une banque. Who cares for children. Qui s'occupe des enfants. Who cleans the streets. Qui nettoie les rues. Who makes meals. Qui prépare les repas. Politicians? I'm undecided. Okay. Les politiciens, mais je suis pas vraiment convaincu. It's a joke. I'm sure they work sometime. Okay, so all work is noble. Donc tout travail est noble. All work is good for us. Tout travail est bon pour nous. Let's read another scripture from Proverbs 10, verse 4 and 5. A slack hand causes poverty. But the hand of the diligent makes rich. He who gathers in summer is a prudent son, but he who sleeps in harvest is a son who brings shame. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit. La main des hommes actifs le rend riche. Celui qui amasse pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. The Greek word here for slack or lazy is a very interesting origin. Le mot grec qui signifie le this word nonchalant, nonchalant ou paresseux. It comes from the word for a bow and arrow. Ça vient de l'image de l'arc. With the cord for the bow and arrow is loose. Donc l'arc, il y a une corde et qui n'est pas assez tendue pour pouvoir l'utiliser. So it is good for nothing. Donc en fait, il sert à rien. You can see that it's a bow and arrow. Vous pouvez voir qu'il y a un arc et une flèche. But you can't use it to hunt or to protect yourself. Mais vous pouvez pas l'utiliser pour vous protéger. And this is the word that the Bible uses to talk about people who don't work. Et ça, c'est le mot que la Bible utilise pour parler des personnes qui ne travaillent pas. Unfortunately, it says that actually those who work are quite good for nothing. Et donc en fait, ils disent que ça sert à rien. I know that sounds very hard. Je sais que c'est un peu difficile à entendre. But please remember, I'm saying work is not just what you do for money. Mais rappelez-vous, ce que je dis, c'est que le travail, c'est pas seulement ce que vous faites pour gagner de l'argent. But what the scripture teaches us is something else very interesting. Ce passage nous apprend quelque chose de vraiment intéressant. If you look, it says he who gathers in the summer is a prudent son. Celui qui amasse pendant l'été est un fils avisé. And the word son is very important. Et le mot fils ici est très important. And he who sleeps in harvest is a son who brings shame. Et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Why do you think the Bible didn't say is a man who brings shame or a worker who what does it say? A worker who gathers in the summer? Pourquoi est-ce que vous pensez que le mot choisi ici c'est fils et pas homme ou travailleur? God chooses his words very carefully and very precisely in the Bible. Dieu choisit ses mots très précisément dans la Bible. See, our work is about what we do as a community. Notre travail, c'est ce que nous faisons en tant que communauté. Our work is very good for us. Notre travail est très bon pour nous. But it's also so important for our community. Mais c'est aussi très important pour notre communauté. You see, when the son doesn't work, it's a shame on the family. Par exemple, quand le fils ne travaille pas, c'est une honte pour la famille. He's a bad example for his family. He represents his family badly. Il représente sa famille de manière négative. C'est un mauvais exemple pour sa famille. Our community needs you to work. Notre communauté a besoin de vous pour le travail. See, it's important that we understand the difference between the word guilt and shame. Il faut comprendre la différence entre le mot honte et le mot coupable. The word guilt refers to a law that you have broken, and so you are guilty. Le mot coupable, ça fait référence à une loi que vous avez enfreint. There are some standards you have to live up to, and you haven't lived up to the standards, and so you are guilty. Il y a quelques règles à suivre, et vous n'avez pas suivi ces règles. But the words shame and disgrace refer to your position in your society. Mais le mot honte reflète votre position dans la société en général. You have failed to do what you should do. For your community. Vous avez échoué à faire ce que vous deviez faire pour votre communauté. And so you have shame. Et donc, c'est la honte. Disgrace. And that's why the word here says you bring shame. Et c'est pour ça que dans ce passage, on dit que c'est un fils qui fait honte. When we don't work, we bring shame on our community. Quand on ne travaille pas, on apporte la honte sur notre communauté. Why? Pourquoi? Because our community needs every single person to be working, doing their job. For our community to function properly. Pourquoi? Parce que notre communauté a besoin que chacun d'entre nous accomplisse un travail. Let's think of a simple example. Donnons un exemple très simple. We pray in the Lord's Prayer, Lord, give us today our daily bread. On dit toujours, Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Have you ever thought about how you get your daily bread? Avez-vous pensé la façon dont vous avez votre pain quotidien? Do you know, God could just do what he did with the Israelites in the desert and make bread suddenly appear. Il peut faire comme il a fait dans la Bible, dans le désert, en faisant apparaître de la nourriture. But he doesn't. Mais il ne le fait pas. The way he does it is he uses humans. La façon dont il le fait, c'est qu'il utilise les hommes. He uses a person to farm the land. Il utilise le fermier pour faire pousser les céréales. To collect it. Pour les ramasser. In a truck or a van. Dans un tracteur. Yes, yeah. Un tracteur, ouais. He needs somebody to service that tractor and that van when it is broken or not working. Il a besoin d'utiliser un homme pour réparer ou entretenir ce tracteur. He needs someone to make the tractor and the van. Il a besoin de quelqu'un qui fabrique. Someone needs to drive it to where we are. Quelqu'un a besoin de le conduire. So we need someone that does that, someone to care for the roads and look after that. Donc, il faut quelqu'un pour entretenir les routes. We need someone in the wholesale distributor to send it out to the shops. On a besoin de quelqu'un qui distribue dans tous les magasins. We then need someone at the checkout counter that we give our money to get it from them. On a besoin de quelqu'un qui s'occupe de la caisse au magasin. Someone to clean the shop. Quelqu'un qui nettoie le magasin. Someone to protect the shop. Quelqu'un qui protège le magasin. Someone to make the door for the shop. quelqu'un qui remplit les étagères. No, to protect the... Yes, we'll remplir les étagères. Doesn't matter. Okay. The point is, every single person imaginable is involved in you and I getting bread. Chacun, il faut imaginer le contexte général, imaginer que plusieurs personnes à plusieurs niveaux interviennent pour qu'on ait notre pain. Accountants. Des comptables. Bankers. Les banquiers. Insurance companies. Les assureurs. Engineers. Les ingénieurs. Every single person is involved in the simple task. Chaque personne est impliquée dans la fabrication de cette tâche simple. And if one person doesn't, well, then it's a shame on the community because we don't have bread. Et si quelqu'un ne remplit pas son travail, eh bien, c'est la honte pour la communauté puisqu'il ne fait pas son travail. You know, God could have also, to use another example, I'm going to use another example. Je vais employer un nouvel exemple. God could have just created humans from the dust all the time like he did at the beginning. Dieu aurait pu créer encore les humains comme il a fait au début de l'humanité avec la poussière. But he didn't. Mais il ne l'a pas fait. He used a father and a mother to create a child and raise a family. Il utilise un père et une mère pour créer une famille. Family. You sound like ouais. Yeah. Sorry. Not a bad influence on you. God could reveal his glory to each person individually. Dieu pourrait révéler sa gloire à chaque personne individuellement. But God uses people to show his glory to the world. Mais il utilise plutôt des personnes pour le révéler sa gloire au monde. Someone to prepare and preach the message. Quelqu'un qui prépare et qui prêche un message. Someone to interpret. Quelqu'un qui interprète. Someone to welcome at the door. Quelqu'un qui souhaite la bienvenue à l'entrée. Someone who cleans the room before us. Quelqu'un qui nettoie cette salle pour nous. Someone to make the coffee when we can have coffee. Celui qui fait le café quand on peut avoir du café. People to give financially so we can pay the rent. Des personnes qui donnent financièrement pour qu'on puisse louer la salle. Are you starting to get the picture? Est-ce que vous commencez à voir un peu l'image générale? Work is community. Le travail, c'est quelque chose de collectif. Work is good for us. Le travail, c'est bon pour nous. Individually. Individuellement. God has made us to work. Dieu nous a créés pour travailler. But God has also made work a thing that is essential for the community. Il a rendu aussi le travail essentiel pour la collectivité. And then it gets a little bit more complex. Et on va passer à un niveau de complexité. All work is good and noble. Tout travail est bon et noble. God has made us to work. Donc il nous a créés pour travailler. Work is good for you. Le travail, c'est bon pour vous. Work is good for our community. Le travail, c'est bon pour notre communauté. And the Bible says, if you don't work, la Bible dit, si vous ne travaillez pas, you shouldn't eat. Vous ne devriez pas manger. Let's read the scripture so you know I'm not talking nonsense. 2 Thessalonians, verse 3 says this. For even when we were with you, we give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Now, such persons we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and to earn their own living. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cette injonction. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans l'indiscipline et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous enjoignons à de tels gens, nous les y encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ de travailler paisiblement et de manger leur propre pain. Laziness is not a new thing. La paresse, c'est pas quelque chose de nouveau. It existed 2,000 years ago when Paul wrote this. Ça existait déjà il y a 2000 ans quand Paul a écrit ça. And we all need to be encouraged to be reminded, hey, just work. Et nous avons tous besoin de nous souvenir qu'il faut travailler. The principle is this. L'idée principale, c'est ça. If you haven't worked for something, you shouldn't reap the benefits of the work that somebody else has done. Si vous n'avez pas travaillé, vous ne devriez pas recueillir les fruits du travail de quelqu'un d'autre. Now, I understand that there are times that we don't work. Je sais qu'il y a des périodes où on ne travaille pas. When you are a child, when you are a student, quand vous êtes un enfant, un étudiant, if you're very old, quand vous êtes très vieux, very, very old, très, très, très vieux, very, very, very old, très, très, très, très vieux, unless you're French. Sorry. Avant de vous parler français. Ah, mais c'est vrai. C'est pas, c'est vrai ou pas? On est trois. Oui, heureusement. Yes. Malheureusement. There are times in our life where we don't work. Il y a des périodes dans la vie où on ne travaille pas. There are times when you can lose your job. Il y a des périodes où on peut perdre notre travail. Or you're looking for a job. Vous cherchez un travail. But that should be the rare times, not the majority of the time. Et ça doit être un temps réduit, le minimum par rapport au reste. Now, I'm not criticizing you if you're not working. I'm not judging you. Je ne vous juge pas si vous ne travaillez pas. It's just, I'm reminding you of the command from God. Je vous rappelle juste les commandements de Dieu. We all need to be reminded of this. On a tous besoin de s'en souvenir. But remember, work is not just what we do for money. Mais rappelez-vous, le travail, c'est pas seulement ce qu'on fait pour l'argent. We need to keep ourselves busy. On doit se maintenir en activité. It's essential for our happiness and well-being. C'est essentiel pour notre bonheur et notre bien-être. And it's essential for our relationship with God. Et c'est essentiel pour notre relation avec Dieu. But I want to take this a bit deeper. Mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Yes, the truth is sometimes we are lazy. La vérité, c'est que parfois nous sommes paresseux. And that's why we don't work. Et c'est pour ça qu'on ne travaille pas. But I think that there are some other deeper reasons often why we don't work. Mais je pense qu'il y a des raisons plus profondes pour lesquelles on ne travaille pas parfois. I want to speak about two things. Je vais parler de deux choses. Sometimes work feels fruitless. Parfois, on pense que le travail ne fait qu'on récolte pas de fruits. Yes. Il n'y a pas de but à travailler. Yes, very good. In Genesis chapter 3, after the fall of man, we see this is the curse on humanity. Dans Genèse chapitre 3, on voit que ça devient la malédiction de l'homme. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread. Till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Work is not a curse. Le travail, c'est pas une malédiction. But the conditions of our work have changed because of the sin of Adam and Eve. Mais les conditions de notre travail ont changé à cause de l'action de Adam et Ève. Very good. And as a result, whenever we work, there will always be thorns coming to make our life difficult. Et donc, en conséquence, à chaque fois qu'on travaille, il y a des épines qui viennent nous piquer quand on travaille. So often, we have a vision of what we want to achieve with our work, and we don't actually achieve it. Parfois, on a une vision de ce qu'on veut achever quand on travaille et on n'y arrive pas. Feels like something's constantly pushing against us. On sent qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse. And it's the truth. Et c'est la vérité. There is always something pushing against us. Il y a toujours quelque chose qui se passe contre nous. So you can work for months on a project and your boss rejects it. Par exemple, vous pouvez travailler pendant des mois sur un projet et votre supérieur le rejette. You can work for years to achieve a certain goal and then you get injured. Just at the wrong moments. Pendant plusieurs années, vous travaillez pour un moment précis et au dernier moment, vous êtes blessé. Or, you can research the deepest detail of the atom and someone uses it to create a bomb to kill hundreds of thousands of people. Ou alors, vous pouvez aller le plus en profondeur dans la connaissance de l'atome et quelqu'un utilise cette découverte pour créer la bombe qui tue des centaines de milliers de personnes. And then you feel like, what have I done with my work? C'est là qu'on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce travail? What do I have to show for all of this effort that I've put in? Qu'est-ce que je dois montrer pour recueillir les fruits de ce que j'ai fait? Imagine a farmer who's planted his field, done all the work, and no rain comes. Imaginez le fermier qui plante ses champs et il n'y a pas de pluie qui tombe. All that work for nothing. Tout ce travail pour rien. It's the truth of the world that we live in. C'est la vérité encore de notre monde actuel. And that can make us so frustrated that we go, well, what is the point of working? Et ça peut nous rendre très très frustrés et se poser la question, mais à quoi ça sert que je travaille? And can I tell you the worst thing of this, et la pire chose dans tout ça, is that often we are the thorn in our own lives. Parfois, nous sommes nous-mêmes les épines dans nos vies. We are the problem that makes our work not good. C'est à cause de nous que notre travail devient sans but. So I said I'm going to share 2 points. Donc j'ai parlé de deux points. I said sometimes work feels fruitless, but other times work just feels pointless. Donc parfois le travail ne donne pas de fruits, mais parfois le travail semble inutile. Ecclesiastes 2, verse 18 to 21. The wise man says this: I hated all my toil in which I toil under the sun, seeing that I must leave it to the man who will come after me, and who knows whether he will be wise or a fool. Yet he will be the master of all for which I toiled and used my wisdom under the sun. This also is vanity. So I turned about and gave my heart up to despair over all the toil of my labors under the sun. Because sometimes the person who has toiled with wisdom and knowledge and skill must leave everything to be enjoyed by someone who did not toil for it. Nice. J'ai détesté tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que je dois laisser à celui qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il aura pouvoir sur tout le travail que j'ai fait avec sagesse sous le soleil. C'est encore là une futilité. J'en suis venu à me décourager de tout le travail que j'avais fait sous le soleil. Y a-t-il quelqu'un qui a travaillé avec sagesse, connaissance et succès? Voilà que sa part est donnée à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. Sometimes we can work so hard and achieve something great, and when we achieve it, we realize, guys, is that it? Parfois, on peut travailler très très durement et réaliser à la fin que ben, ça sert à rien. You can work all your life and leave it to your children, who then waste it all. Vous pouvez travailler toute votre vie, que vos enfants héritent de ce travail et que ces enfants-là gaspillent tout votre travail. Sometimes work can feel pointless. Parfois, travailler, on a le sentiment que c'est inutile. And the truth is, we are now living in a generation where people want to feel that their work has a point. We don't. No, we live in a generation where people want to feel that their job has a point. On vit dans une génération où tout le monde veut ressentir un but dans notre travail. I say that because our grandparents' generation after the war were just so happy to have any work that they did it with joy because they just were happy with anything. Je dis ça parce que la génération de nos grands-parents était tellement heureux de trouver un travail, n'importe quel travail, qu'ils ne cherchaient pas forcément de but dans ce travail. Ils étaient juste honorés d'avoir un travail. And so I did some research on what motivates people in their work to find a job today. J'ai fait des recherches pour trouver les éléments qui motivaient les personnes pour trouver un travail de nos jours. And there are 3 things that motivate people to look for work. Et il y a 3 choses qui motivent les personnes pour trouver un travail. Statistiquement. In our generation. Dans notre génération. Number 1, they want a job that pays well. Ils veulent un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Number 2, they want a job that has the impression of having a cool factor. Ils veulent un travail qui donne l'impression qu'ils ont une position cool. Yes, like, hey man, see this cool job that I've got? One of the top executives at Google said the company's mission is to do something amazing for the world. Who said that? An executive at Google. Okay. Yes. Un responsable de Google a dit que the mission of the company, le but de la société Google, c'était de faire quelque chose d'incroyable pour le monde. Everybody wants to work at Google because it's so cool, bro. Tout le monde veut travailler à Google parce que c'est super cool. And the third thing that motivates people, et la troisième chose qui motive les personnes, is that they want a job that they can directly see fills the needs in society. Fulfills directly. Qui les remplit. Yes, a need in society. Yes. Okay. You know, in society, that they see that there's a need and someone needs food and they give them food directly. They're the one that gives them food. D'accord, une position qui donne un effet concret immédiat par rapport aux besoins de la société. Too good. So, we want a good job that pays well. Donc, premièrement, un métier qui rapporte beaucoup d'argent. That is cool. Qui est cool. And that we can see that we're making a difference in other people's lives. Et on peut, troisièmement, on peut voir qu'avec ce travail, on fait une réelle différence dans la vie des autres. Which is amazing. Qui est super bien. We all want a job like that. On veut tous un métier comme ça. But the truth is, we say, well, if I don't have a job like that, well, then I'm not going to work. Et la vérité, c'est que si on ne recoupe pas ces trois idées, on dit, je ne travaillerai pas. The truth is, so many people become doctors, not because they want to help people, but because it pays well. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui veulent devenir docteurs, pas pour aider ou sauver des vies, mais parce que ça paye bien. Because you know, you can also care people and love for people and be a nurse. Parce que vous pouvez aussi aider les gens, prendre soin des gens en étant une infirmière. But the nurse is not, being a nurse is not cool. C'est cool. And you're not paid very well. Et c'est pas bien payé. Now, I'm not judging and saying, oh, if you want a good paying job, you're a bad person. Je dis pas que si vous voulez avoir un métier qui rapporte beaucoup d'argent, vous êtes une mauvaise personne. But the truth is, we need to open our eyes to the realities of what's going on in our society. Mais je dis juste qu'il faut ouvrir nos yeux sur ce qui se passe dans notre société. We cannot just not work because I don't have a cool, well-paying job. Et on peut pas dire je veux pas travailler parce que j'ai pas un métier super cool qui rapporte beaucoup d'argent. I wish a cool, well-paying job on all of you. Je souhaite un métier comme ça à chacun d'entre vous. Receive it. One for you. I'm like Oprah. Cool job for you and cool job for you. We all have a cool job. Et nous ayons tous un super cool travail. But you know you're going to have to work for that. Il faut travailler pour avoir ça. You know you don't just get that. On ne ramasse pas ça facilement. You have to start somewhere. Il faut commencer quelque part. Most people only get that, a cool, well-paying job, in their 50s. La plupart des personnes qui ont ce genre de travail l'ont à 50 ans. When they've worked and worked and worked and worked and studied and worked and sacrificed, and then you reach that. Quand ils ont eu plein de sacrifices et qu'ils ont travaillé et étudié pour avoir cette position, ils profitent seulement vers la cinquantaine de ce travail. I have the feeling that we're in a society that if my job doesn't fit my image, I would rather not work. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où si mon travail ne reflète pas l'image que je me fais du travail que je veux, je travaille pas. Previously, it would have been a shame on you and your family if you didn't work. Now, it's a shame on you if you have a job that's not cool. Avant, dans les générations passées, c'était la honte si tu ne travaillais pas. Et maintenant, c'est la honte si tu fais un travail qui ne te sied pas. So, for me, there are three main reasons why we are idle or lazy and we don't work the way that we should. Il y a donc trois points that explain why we don't work, yes. Qui expliquent pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas. Sometimes we're just lazy. Parfois, on est juste paresseux. Sometimes we feel our work is fruitless. Parfois, on pense que notre travail ne rapporte pas assez de fruits. And so, well, what's the point? Donc, à quoi ça sert? And then that's the third point. We feel our work is pointless. Et troisièmement, on pense que le travail c'est inutile. So do we just accept that? Donc, est-ce qu'on doit juste accepter ça? No, we don't accept that. Non, il ne faut pas l'accepter. But I'm going to tell you how we don't accept that. Mais je vais vous dire comment on fait pour ne pas l'accepter. We don't accept it by changing our view of the purpose of work. On le fait en changeant notre approche, notre vue du but du travail. All of Adam and Eve's troubles started when they wanted to take advantage for themselves of what was in the garden. Yes, yes, yes. All of the troubles started for Adam and Eve and for us. Tous les problèmes ont commencé pour Adam et Ève et pour l'humanité, du coup quand ils ont commencé à avoir seulement les bons côtés du travail. No, they wanted to use it just for themselves. Ah, ok, ils voulaient utiliser ça que pour eux. They saw the fruit and they said, ah, that's good for me. That's good for me to get wisdom and knowledge. Ils ont vu le fruit, ils ont dit, c'est bon pour moi, seulement pour moi, de recueillir le fruit de la sagesse. They forgot that their work was for the glory of God and for the greater good of the community, which didn't exist yet, but would have is going to exist. Ils ont oublié que le travail c'était bon pour Dieu et pour la collectivité. And it's when we change our mindset and we realize that we're doing everything for God. Quand on change notre logiciel, notre approche, on se rend compte que c'est pour Dieu. Well, then suddenly we can accept that sometimes it's fruitless and sometimes it feels pointless. Et du coup, parfois, on accepte le fait que c'est parfois le travail est inutile, ne nous rapporte pas assez de fruits. Because actually, our work is not about what we see directly in front of our eyes. Parce que le travail, c'est pas vraiment ce qui se passe sous nos yeux directement. It's about what God thinks of us and what we produce for God. C'est ce que Dieu pense de nos actions et de ce qu'on fait. We have a responsibility. On a une responsabilité. Firstly, we have a responsibility to our God who made us to work. Premièrement, on a une responsabilité vis-à-vis de Dieu qui nous a créés pour travailler. Secondly, we have a responsibility to ourselves to use the gifts that God has given us. Deuxièmement, on a une responsabilité par nous-mêmes d'utiliser le don que Dieu nous a donné pour travailler. And thirdly, we have a responsibility to our family and to our community to work. Et troisièmement, on a une responsabilité vis-à-vis de la communauté, de la famille pour travailler. And when I mean that, I say not like not just the immediate community, the greater community, our country. Et quand je parle de communauté, je parle pas seulement de la communauté immédiate, mais de la communauté nationale du pays. We can't just live off the work of others. On ne peut pas simplement vivre du travail des autres. And this is not a South African idea or an American idea. C'est pas une idée sud-africaine ou américaine. This is God's idea. C'est l'idée de Dieu. If you don't work, you shouldn't eat. Si tu ne travailles pas, tu ne devrais pas manger. You cannot get the benefits of the work that somebody else has done. Tu ne peux pas recueillir les fruits du travail de quelqu'un d'autre. And we as believers should be setting the example. En tant que croyants, nous devons montrer l'exemple. But I know that it's very difficult. Mais je sais que c'est très difficile. Because social media makes us feel like if you don't have a cool job, you're a loser. Parce que les médias, les réseaux sociaux nous font miroiter le fait que si tu n'as pas un travail cool, tu es rien. But it doesn't have to be that way. Mais c'est pas forcé, ça doit pas être forcément comme ça. We can change the view of work. On peut changer la vue du travail. By honoring God and being a blessing in our community. En honorant Dieu et en étant une bénédiction pour notre communauté. God has designed us and designed this world that we need to work. Dieu nous a façonné et a façonné le monde pour qu'on travaille. And we contribute and we create. Et créer, contribuer. And we need all of these things for happiness and fulfillment. Et on a besoin de tout ça pour se sentir fulfilled. Accompli. Accompli. C'est ça. Too good, bro. You're doing a great job. Thank you. Il vient de loin, celui-là. Accompli. And when we do that, watch the incredible things that God will do with your work. Et une fois qu'on fait ça, rendez-vous compte du travail incroyable que Dieu fait à travers notre travail. And everything that you do will feel like it's got a value because you're not doing it for yourself. You're doing it for God and for others. Et comme vous faites ça pour Dieu et pour les autres, chaque travail que vous ferez vous remplira d'une image positive et utile. The scripture tells us at the fall of man, yes, there will be thorns. À la chute de l'homme, il y aura des épines. But it also says that you will eat. So we can eat when we work. We just have to deal with the thorns. Accept that they're thorns. Il faut accepter qu'il y ait des épines dans nos vies. And remember who we're working for. Et rappelez-vous pour qui vous travaillez. So that's part one. Ça, c'était la partie 1. We'll do part 2 next week where we go to the other extreme and work too much and it becomes an idol. Et on abordera la semaine prochaine l'autre extrémité où le travail est une idole. Can I pray for us? Prions. Lord, thank you for setting the example for us. Seigneur, merci de nous montrer l'exemple à suivre. Lord, that you are always working. Seigneur, tu es toujours au travail. Lord, and you work on our hearts. That's your first greatest job. Ton premier et le plus merveilleux des travaux, c'est que tu travailles dans nos cœurs. So Lord, will you work on every person's heart here? Seigneur, travaille dans le cœur de chacune des personnes présentes ici. Lord, will you show each person that the work that they're doing has value? Montre à chaque personne qui travaille que ce travail a de la valeur. Whether you work in a field, que tu travailles dans les champs, if you run on a field, que tu cours sur un terrain, if you teach children, si tu enseignes à des enfants, if you make food, si tu prépares la nourriture, if you wash dishes, si tu laves les assiettes. Lord, every job has value. Chaque travail a de la valeur. Lord, and will you help us to remember that? Aide-nous à nous souvenir de ça, Seigneur. Lord, help us to see the greater picture calling that we have for our work. Aide-nous à réaliser le contexte général dans le cadre de notre travail. That our work is for you and for our community. Que notre travail est pour toi et pour notre communauté. Lord, and may every one of us get happiness and fulfillment in knowing that. Que chacun se sente joyeux et accompli dans son travail. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Yeah. Thank you. Thank you. Let's give a round of applause. Oh, but you're gonna make me blush. Stop it, I like it. Voilà. very well. Yes, I really do pray that you find joy in what you do, every one of you. Vraiment, je prie de tout mon cœur que vous trouviez la joie dans ce que vous faites. I just want to make a few announcements quickly. Je vais faire quelques petites annonces rapidement. I just want you to have a look at when we will be preaching which topics. Vous voyez les sujets de nos prochaines. I'll put the French up in a moment. Je mettrai la traduction française. Think of maybe somebody you know that you could invite to church who would be interested in this topic. Je vous invite à inviter quelqu'un qui pourrait être intéressé par un des thèmes abordés. This topic on the 6th and the 13th of February. Le 6 et le 13 février. Where we're speaking about vocation. On va parler de la vocation. We will have Lydia Boll sharing with us those 2 weeks. On aura Lydia Boll qui va partager avec nous dans 2 semaines. Who has a PhD in psychology. Qui a un diplôme en psychologie. And her speciality is to help people find their career and their calling. That's what she studied. Et donc, sa spécialité, c'est aider les personnes à trouver leur voie professionnelle. So that will be a real blessing for all of us. So if you know anybody who's interested in that, is struggling, please invite them to it. Donc, ça va être une vraie bénédiction pour nous de recevoir ce message. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ce sujet, s'il vous plaît, vous pouvez l'inviter. But of course, this is all dependent on COVID and what changes when, who's available, who's not available. Okay, so we hold this very lightly. Bon, du coup, ça peut varier par rapport au COVID, s'il y a des absences ou autre. Please remember Kevin and Sheila's trip. Kevin and Sheila's trip to Kenya. Please pray for them. They need to make sure that they're healthy so they can leave in 10 days' time. Priez pour Kevin et Sheila qui partent au Kenya dans 10 jours, c'est ça? Yes. Yes, and then Tanya and I have been invited to go and minister again in our friend's church in Porto, in Portugal, at the end of April. Tanya et moi partons au Portugal fin avril. Have a look at the dates. It would be wonderful if you could join us for that. Si vous pouvez vous joindre à nous, ça sera une vraie joie. Yeah. Unfortunately, there are no more flights directly from Montpellier to Porto, but you'll have to fly from either Marseille or Perpignan or Toulouse. Yeah. Il n'y a pas de vol direct de Montpellier pour aller à Porto, mais de Marseille, Perpignan ou Toulouse, oui. Yeah. Cool. God bless you. Dieu vous bénisse. Thank you for being with us. Merci d'avoir été avec nous. Sorry we can't have tea and coffee. Pas de thé, pas de café. But please remember your masks. Gardez bien vos masques. And share some love, even if you just stay for a few minutes. Okay. Et partagez l'amour. Thank you for joining us online. God bless you. Dieu vous bénisse. Thank you, Kevin and Sheila, for running it. We love you. And we'll have a nice laugh. Bye.